Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 18 avril 2023 et c'est l'épisode 318. Elon Musk a participé à la création à l'origine d'OpenAI. Hein. Il s'en était détourné, il avait claqué la porte. Il voudrait peut-être bien revenir, on vous en avait parlé. C'est pas une blague, il veut bien proposer un Truth GPT. Oui, oui, vous avez peut-être suivi la tentative de Donald Trump de développer un réseau social de son côté. Bah, ça vous rappellera peut-être quelque chose avec ce nom. Je n'en doute pas, on va en parler, on a plein d'infos, évidemment, autour de l'intelligence artificielle et de quelques autres domaines de la tech. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable attitré et officiel du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Bah, ça va, c'est officiel, mais j'ai pas signé de papier moi. Ah mince, alors donc c'est pas encore officiel, mais je prépare le contrat pour l'épisode 319 ou le supplément qui sera le prochain épisode, restez à l'affût. En attendant, c'est pas officiel non plus, mais quand même, c'est la deuxième fois qu'on retrouve un chroniqueur que vous avez déjà eu plaisir à entendre. Il nous vient du monde de la santé, il est passionné de tech, c'est Steph alias, peut-être le connaissez-vous sous l'alias Steph 500. Salut Steph et bienvenue. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi de te reprêter à l'exercice. Tu sais, en fait, ça fait toujours plaisir d'accueillir quelqu'un dans Tech Café, dans un podcast en général. Mais ce qui fait encore plus plaisir, c'est quand les personnes reviennent, parce que ça veut dire qu'on les a pas traumatisés. Et ça, c'est important. Tu étais là pour l'épisode 311, enregistré le 28 février dernier. Et je dis ça, évidemment, de mémoire. Vous avez un autre épisode assez génial, pour lequel, d'ailleurs, vous avez fait des bons retours. Mais je voulais à nouveau le mettre en lumière. C'est le supplément qui est disponible juste avant cet épisode, qui a été diffusé il y a quelques jours, où Guillaume Poggiaspala vous a livré un dossier assez fantastique sur une rétrospective de la robotique dans l'histoire. J'ai découvert ça pendant l'enregistrement, j'ai bu du petit lait, et alors ça commence avec le mythe de Talos, et ça a fait voyager jusqu'à l'époque moderne, avec des choses beaucoup plus concrètes, là c'était de la mythologie Talos. C'est évidemment un épisode intemporel que vous devez d'écouter, hein, à mon avis. Allez le sauvegarder, le bookmarker, mettez-le de côté pendant que vous écoutez ce passage, vous faites-en un rappel peut-être pour pas le manquer. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça le mérite. Je me dois de vous rappeler aussi, avant qu'on aborde nos news tech, que Tech Café, c'est un podcast gratuit. Tous les épisodes sont accessibles à tout le monde. Et j'ai d'ailleurs commencé à réactiver d'anciens épisodes. Vous allez progressivement, normalement, pouvoir écouter tout Tech Café. Tenez-vous bien, tout Tech Café dans votre app. Auparavant, le flux du podcast était limité aux 200 derniers épisodes. Donc, ça va faire beaucoup plus de Tech Café à écouter. Et malgré tout, c'est évidemment un bon travail pour nous de préparation des épisodes, de vérification de l'info, de la restitution dans un format que vous avouez vous-même être agréable à entendre. Et une partie d'entre vous a pris conscience et a décidé que, parce qu'ils le pouvaient, ils allaient consacrer quelques euros par mois pour nous récompenser pour notre travail. C'est un geste militant qu'on se doit de souligner. En plus, en contrepartie, les financeurs bénéficient d'un flux privé du podcast qui leur est dédié et ils peuvent écouter tous les épisodes sans la pub. Et c'est possible tout simplement grâce à Patreon. C'est un site qui permet aux créateurs de contenu de recevoir des petits pourboires régulièrement. C'est sans engagement en plus. Et puis évidemment, je ne peux donc vous inciter à aller jeter un coup d'œil. Et si jamais l'épisode vous plaît, une fois de plus, et qu'il vous informe comme il se doit, venez vous abonner sur patreon.com/techcafé. Vous verrez, en plus, c'est super simple. Et puis, vous pouvez même plafonner votre participation. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Et puis, vous serez peut-être amené à remplacer d'anciennes personnes qui soutenaient jusque-là Tech Café, qui ont décidé de suspendre leur abonnement. C'est bien légitime. En tout cas, cette semaine, alors, pas de nouveau soutien sur Patreon à citer. Par contre, on a Jean-Baptiste Chancerel qui a envoyé un message sur Patreon. Il nous dit « Coucou, merci pour ce travail très soigné, pour retracer l'infotech avec cette même précision et rigueur chaque semaine. D'aucuns diraient une précision suisse. Et merci pour l'enthousiasme à travers les ondes. » Donc, deux commentaires. Le premier commentaire, c'est sur l'intelligence artificielle et sur l'appellation d'intelligence artificielle. C'est un sujet qu'on a abordé durant les précédents épisodes à plusieurs reprises. N'oubliez pas qu'il y a artificiel dans le nom. Ce nom très critiqué me semble en réalité assez bien adapté pour un truc, entre guillemets, à qui on demande de reproduire une tâche habituellement réservée au cerveau humain, mais artificiellement. J'aime bien son approche, et puis après, il nous compare les intelligences des chats et des chiens, effectivement. Le mot d'intelligence est assez vague. C'est fou, hein, cette appellation qui est un sujet de discussion récurrent sur l'intelligence artificielle. Et puis un autre sujet, et je crois que c'est pas le seul à l'avoir remonté, il nous dit les investissements consacrés aux apprentissages me semblent en effet faibles si on les compare à des investissements industriels classiques. Par exemple, dans l'automobile, quelques centaines de milliers d'euros, voire le million, c'est le coût d'un moule de presse à injecter dans une pièce plastique, comme il y en a des centaines pour une seule voiture. Et effectivement, il met en regard les coûts que tu avais listés, Guillaume, dans le dernier épisode hebdomadaire d'entraînement des modèles de langage. Et évidemment, lui, il était plutôt dans le camp de dire que c'était vraiment pas cher. Je crois que c'est un commentaire aussi que nous a fait Renaud Joly, Guillaume, si je dis pas de bêtises, sur Discord. Ouais, tout à fait. Renaud Joly a dit, il a dit comme toi à l'époque, au moment où on le faisait, c'était que l'investissement pour entraîner un grand modèle de langage n'était pas si cher en fait. GPT-3, c'était 1,8 million, Megatron, c'était 11, etc. Et il met en regard effectivement les coûts d'un magasin, 15 à 20 millions pour un magasin. C'est beaucoup, c'est intéressant parce que j'avais pas forcément en tête ces montants. Moi, tu sais, c'est pas vraiment des trucs, enfin des chiffres que je connais, quoi. Il dit aussi que c'est 50 à 100 millions pour un entrepôt. C'est vrai que c'est très cher, le offline aussi, tu vois. Mais nous, on discute jamais de ça et on se rend pas forcément compte des coûts, enfin, en tout cas, moi. Et donc, oui, tout est relatif. Pour les IA, il y a les coûts d'exploitation aussi, comme un mais comme un magasin, c'est vrai. Et puis, ça va dépendre de l'échelle, évidemment, pour les modèles d'intelligence artificielle. Et puis après, il y a les coûts du matos. Parce que bon, si t'achètes tes GPU, il faut les acheter, et après il faut les maintenir à jour, donc il faut les remplacer régulièrement, ou alors il faut les louer, bon évidemment c'est cher aussi. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que c'est pas à la portée de toutes les bourses, quoi, en fait, hein. C'est un petit peu ce que je voulais dire quand je disais c'était cher. Oui, c'est vrai que voilà, tout est relatif. Dans le cadre de l'IA, c'est vrai qu'il y a quand même un souci d'accessibilité, et un peu de souveraineté aussi, qui est important. Tu vois, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est des IA libres, des IA open source, et justement, les coûts, que ce soit en matos ou en main d'œuvre, ça complique les choses, hein, par rapport au reste du libre. Bon, on va justement parler de Dolly et de GPT-4all juste après, mais si on prend l'exemple de Roikov, je sais, ça s'écrit de manière encore plus imbitable que ça se prononce, hein, je vous rassure. ça s'écrit RWKV. Alors, qu'est-ce que ce truc que RWKV ? C'est une architecture qui est alternative au transformer, donc c'est un réseau de neurones un petit peu particulier qui revient, c'est un réseau récurrent. Pour faire simple, l'architecture utilisée par la totalité des modèles de langage, que ce soit GPT, Llama ou Bard, elle est très puissante, mais elle n'a pas que des avantages. On va dire que la mémoire de ces modèles, elle est assez chère. Elle est chère en temps de calcul, en particulier. C'est pour ça qu'en fait, ils ont des fenêtres de contexte qui sont, comme on dit, hein, qui sont pas si longues. Et donc là, bon, c'était 2048 pour GPT 3.5, je pense que c'est passé à 4096 après pour ChatGPT, et pour GPT-4, je crois que ça peut aller jusqu'à 32 000, mais il faut le payer. C'est plus cher, en fait. Et c'est plus cher parce que, justement, les coûts en temps de calcul augmentent pas du tout de manière régulière, ça augmente de manière quadratique, en fait, avec la taille de la fenêtre. Donc, RWKV, c'est une architecture qui est encore assez peu connue et qui résout ce problème. Donc, c'est cool, ça vient d'un chercheur chinois, et dans une certaine mesure, ça a presque fait ses preuves, puisqu'il existe un modèle à 14 milliards de paramètres, qui marche bien. D'ailleurs, il est testable, hein. Il y a un chatbot qui s'appelle Raven, que vous pouvez tester sur Hugging Face. Alors, ça veut dire que pour l'instant, c'est encore un petit modèle, quand même, à 14 milliards de paramètres. C'est une sorte de preuve de concept. Et si c'est prometteur, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un modèle qui est 10 fois plus gros déjà, pour voir si ça défonce la tête ChatGPT. Ben, c'est simple, parce que pour pondre le petit modèle, il a fallu faire tourner 64 GPU A100 pendant 3 mois. Même en comptant qu'il y a eu des optimisations entre-temps, si on le refaisait aujourd'hui, ça coûterait 40 000 $. Et c'est pour le petit machin. Si vous voulez faire un modèle 10 fois plus gros, avec 10 fois plus de données, au moins, il faudrait 100 fois plus de calculs. Donc pour faire simple, un tel modèle coûterait plusieurs millions de dollars. Et donc ça nous ramène bien d'ailleurs dans les gammes de prix qu'on a vues. Et qui va payer ça ? Parce que Raven, il existe grâce à qui ? Raven existe grâce à une ONG qui s'appelle Eleuther, si vous voulez, avec un TH, AI, et aussi grâce à Stabilité AI, qui ont fait des dons. Ils ont fait des dons de puissance de calcul à la communauté qui tourne autour de Roikov. Donc ils ont fourni pour 100 000 $ de crédit. Donc c'est bien, tu vois, mais avec 100 000 $ de crédit, tu peux pas concurrencer OpenAI, c'est pas possible. Donc le cœur, c'est un petit peu le cœur du souci qu'on a ici, là, et puis c'est vrai qu'on va en discuter aussi. Il y a beaucoup d'activités dans le monde de l'IA libre, c'est juste pour montrer un petit peu les rapports de force, on va dire. Avant qu'on termine notre tour de piste de l'intro et avec ce courrier des lecteurs, Steph, t'es team cher ou team pas cher, toi, quand tu prends connaissance des coûts d'entraînement des modèles de langage dont on a parlé précédemment ? Je sais pas si t'avais... C'est-à-dire si cher ou pas cher, dans quel sens tu veux dire ? Est-ce que justement quand on apprend que le coût de construction d'un modèle c'est de l'ordre de quelques millions de dollars ou d'euros, je crois que c'était en dollars, est-ce que tu trouves que c'est des montants qui sont chers pour à une échelle industrielle et en gros, comme le dit Guillaume, ça met de côté un petit peu la possibilité pour des petits acteurs d'aller concurrencer et d'aller facilement proposer des alternatives, ou est-ce que à l'échelle de l'industrie, si on par ça. Alors là, on avait l'exemple de sur Patreon, on nous disait les coûts dans l'industrie automobile, mais j'ai même moi en tête les coûts qu'on a, et c'est très différent, mais de production de processeurs, par exemple. On est sur évidemment des investissements qui n'ont rien à voir, qui sont bien plus conséquents. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu situes ça comme étant quelque chose de cher ou de pas cher, finalement? Franchement, pour le service rendu, je trouve que c'est pas si cher que ça. Hein. Enfin, après, c'est peut-être moi qui vois un peu le bien partout, mais j'ai pas l'impression non plus que ça coûte des montants qui soient complètement inabordables. Alors pour le commun des mortels, évidemment, mais effectivement, à l'échelle d'une entreprise, on parle pas de milliards. Hein. Parfait. Bon, on met de côté quand même cette histoire de coût, même si on va continuer à parler de modèles de langage. Je voudrais quand même terminer, avant qu'on aborde vraiment nos news, de dire que vous avez la possibilité de déposer des avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Il y a par exemple Happy Happy qui a déposé un avis sur Podcast Addict et nous dit « Je vous écoute depuis Tananarive à Madagascar. Merci de se concentrer de tech news dans la détente et la bonne humeur. Bonne continuation. Ça fait très, très, très plaisir quand on a des retours de votre part partout dans le monde. C'est très chouette de savoir qu'on est écouté au-delà des frontières, évidemment, pour des personnes qui suivent le français, mais dans plein d'endroits du monde. Allez, c'est trop cool. Sans autre forme de procès, on enchaîne. Du coup, on va évidemment parler des modèles de langage. Et Guillaume, tu nous le disais un petit peu tout à l'heure, mais on va surtout parler là des modèles de langage libres. Ben oui, parce que vous le savez, les IA libres qu'on peut utiliser chez soi, par exemple, et adapter à ses besoins, ben c'est mon petit dada en ce moment. Hein, et voilà, et donc je parle peut-être beaucoup trop de Llama et compagnie. Mais je pense que justement, c'est important parce que ça nous libère simplement de devoir absolument passer par les GAFAM pour tout. Et bon, même mais si on considère que bientôt il y aura les GAFAMO, hein, puisque si on rajoute OpenAI, ça sera peut-être les GAFAMO un jour, mais voilà, c'est disons que je continue un petit peu une rengaine habituelle d'avant les IA, même à essayer de récupérer une sorte de souveraineté sur ces données, tout ça. Et bref, je suis quand même pas le seul, là, parce qu'il existe donc des projets libres pour des alternatives à ChatGPT. Et donc, par exemple, on a Dolly, GPT for All et Open Assistant. Alors, j'ai déjà parlé d'Alpaca, qui fonctionne déjà très bien, ou de Vicuna, et aussi Koala, depuis, qui est sorti, qui sont des alternatives très crédibles, hein, qui fonctionnent en local, qui fonctionnent assez vraiment bien, en fait. Et elle ne requiert même pas finalement de grosses GPU de l'amour pour fonctionner, même si ça peut être un peu lent. Mais bon, il y a quand même des problèmes légaux. Légaux entre guillemets, si on considère ces modèles du point de vue du libre. La première, c'est que Vicuna, Alpaca, par exemple, sont basés sur Llama. Alors c'est fâcheux parce que Llama a été créé par Meta et qu'il ne l'a jamais officiellement distribué à tout le monde. Le modèle a fuité, mais il reste officiellement réservé aux chercheurs, et vous ne pouvez pas en faire ce que pour un produit commercial, par exemple, vous ne pouvez pas vraiment en faire ce que vous voulez, et techniquement, à moins de demander d'être validé, vous ne devriez même pas l'avoir sur votre disque dur. C'est vraiment dommage, je pense que Meta, d'ailleurs, devrait, étant donné la diffusion actuelle de Llama, et l'engouement, vraiment, hein, qu'il y a autour de ce modèle, Meta devrait, il gagnerait tout. Il gagnerait énormément de crédits d'ailleurs et d'images de marque. Il gagnerait tout à le libérer vraiment. Mais bon, à officialiser. Il en a besoin peut-être en plus de redorer son image. Je pense que c'est vraiment l'occasion. Mais bon, écoute, à tous les cas, voilà, je fais un appel à Meta. Je pense que ce serait vraiment une très bonne idée. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est un souci majeur le fait que ça appartienne encore un peu à Meta, tout ça. Et la communauté s'est dit, si c'est comme ça, on va utiliser des modèles de langage open source qui existent déjà. L'intérêt s'est porté naturellement sur GPT-J, hein, qui est un petit modèle de 6 milliards de paramètres, qui a l'avantage d'être complètement libre. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. D'ailleurs, je crois que c'est celui qui a servi à faire le très coquin Pygmalion, hein, qui sert à faire des chatbots érotiques principalement. Mais bon, vient ensuite le deuxième problème. Que ce soit GPT, Llama ou GPT-J, ces modèles de langage, en fait, ne sont pas faits à la base pour répondre à des questions, pour suivre des instructions. Avec un prompt adapté, on peut faire plein de choses. Mais ChatGPT a montré qu'un bon fine-tuning, une bonne adaptation, un bon affinage, si on veut, pouvait rendre le modèle bien meilleur à ça. Et en plus, ça peut le rendre beaucoup moins toxique. En fait, on peut le cadrer un petit peu mieux. Donc ce fine-tuning, ce réentraînement, il va requérir des données et des humains. Parce qu'autant l'entraînement de base, d'un modèle de langage, se fait tout seul, de manière non supervisée, autant ce qu'on appelle le RLHF, c'est-à-dire l'apprentissage par renforcement basé sur le feedback humain, ça, comme c'est écrit dedans le titre, ça requiert des humains. Des humains qui vont dire si oui ou non la réponse est correcte, si elle est cohérente, si elle est polie, etc. Donc c'est cher parce que les humains, en général, il faut les payer. Et donc à ce problème, Alpaca a trouvé une solution simple. Ils vont utiliser un gros modèle de langage qui est déjà entraîné, bon, voilà, comme ChatGPT par exemple, et s'en servir pour générer des exemples pour notre modèle à nous. Donc le modèle à nous, là, c'est Llama qu'on va transformer. Alors c'est génial, mais ça veut aussi dire que du coup, le modèle qu'on va modifier bah, devra suivre les conditions légales d'OpenAI. Donc on a encore un autre problème. Donc on aimerait bien s'en passer aussi. Et donc il y a eu Dolly, qui était une première tentative de créer un ChatGPT libre, basé sur GPT-J, donc libre, mais il utilisait le dataset d'Alpaca. Et donc, patatras, il est encore dépendant de quelque chose d'OpenAI. Et c'est pour ça qu'ils ont créé un autre modèle avec des données qui ont été crowdsourcées, fournies par des employés de Databricks. Et donc, c'est un don, vraiment. C'est-à-dire que Databricks, c'est une boîte qui fait du logiciel web, hein, et ils espèrent contribuer, donc, du coup, à démocratiser les LLM, les gros modèles de langage. Il y a 5000 employés qui ont fini par créer un dataset de 13 000 exemples pour entraîner Dolly 2. Et Dolly 2, en plus, il bénéficie d'un nouveau modèle qui s'appelle Pitya, qui est donc un modèle à 12 milliards de paramètres, et qui est donc plus récent et deux fois plus gros quand même que GPT-J, mais qui est aussi complètement libre. Et c'est encore une fois Eleuther AI qui a créé la famille Pitya. Donc ces modèles sont issus d'une ONG, donc tout ça c'est des dons d'argent ou de puissance de calcul. Alors Dolly 2, il est d'ores et déjà téléchargeable, il faudra qu'on entende un petit peu, je pense, pour avoir un moyen simple de l'utiliser sur un PC standard. Pour l'instant, ça requiert encore pas mal de mémoire. Mais bon, en attendant, il y a un autre modèle qui est très facile à tester, c'est GPT-4-All J. Ça vient de chez Nomic, et là encore, GPT-4-All avait tenté de se dégager d'OpenAI en utilisant un dataset basé sur Atlas, hein, qui est leur propre explorateur de données. Ça restait du Llama en dessous, et donc ils ont fait la version J, et donc ça passait à GPT-J. Donc, dessous, c'est entièrement libre, et en plus, ils ont une interface très simple et très agréable, et donc, sans doute, le moyen le plus évident et le plus simple, vraiment, pour avoir un tout petit mini ChatGPT chez soi, c'est GPT-4-All J. Donc, si vous voulez, J. Enfin, c'est, voilà, GPT... Donc, c'est GPT-4-All-J. Voilà, donc, si vous voulez aller voir. Donc, il y a une autre initiative qui s'appelle Open Assistant, utilisée Llama aussi, mais qui va passer à Pitya, je pense. Et donc, honnêtement, ces modèles sont vraiment intéressants. C'est des modèles qui font pas pitié du tout, hein. Mais bon, vu la taille... et les temps d'entraînement, bah, il ne faut pas s'attendre à avoir des choses qui soient aussi puissantes que GPT-4, tu vois, c'est pas possible. J'ai pas encore testé Dolly 2, mais je m'attends à ce que ce soit même un petit peu en dessous d'Alpaca et compagnie, ça serait tout à fait normal. Donc c'est des initiatives qui sont encourageantes et qui font chaud au cœur, mais qui montrent aussi à quel point le combat est déséquilibré, à quel point c'est difficile. Pitya, c'est un modèle qui est relativement récent, il fait 12 milliards de paramètres, et pas plus, parce que pour aller taquiner ChatGPT, il en faudrait vraiment beaucoup, mais Eleuther, bah, ils ont sans doute pas les moyens, quoi. Donc Meta peut se permettre d'entraîner un modèle à 65 milliards de paramètres sur 1200 milliards de mots, c'est ça quand même, hein, et encore peut-être même 1400 milliards sur le plus gros modèle, mais qui peut faire ça, tu vois, pas grand monde. Et pourtant, il y a un projet qui s'appelle Red Pajama, donc en fait c'est Llama en pyjama rouge, c'est ça le logo, c'est vraiment Llama en pyjama. C'est créatif et c'est cosy, ça doit être tout doux, hein, c'est bien pour l'hiver, on a envie, ça donne envie. Et donc le but de Red Pajama, c'est de créer un modèle de comme Llama, en fait de créer un clone qui soit aussi bien entraîné pour faire une sorte de Linux de l'IA. Si on veut, c'est vraiment ça, c'est un Linux de l'IA. Donc c'est un énorme projet, il y a des instituts de recherche, des institutions partout dans le monde, dont l'ETH Zurich et Stanford, qui commencent déjà à rassembler des données, donc une masse énorme de données, donc c'est un projet qui paraît fou, hein, parce que bon, là, mais c'est vraiment un travail énorme. Alors on ne connaît pas la taille de GPT-4, hein, mais il y a quand même un gars chez Microsoft qui parlait des capacités du modèle, donc il faisait une sorte de conf à une université, donc lui il a testé le modèle non commercial, le modèle complet, et il a dit à un moment, il ne faut pas sous-estimer ce que peut faire 1000 milliards de paramètres. Donc je sais pas s'il l'a dit en l'air comme ça ou si c'est une réalité, mais vu que Google a Palm qui fait déjà 540 milliards de paramètres, c'est pas exclu que GPT-4 en fasse 1000 milliards, tu vois. Donc c'est ça les ordres de grandeur, quoi. C'est ça les rapports de force. Donc qui peut rivaliser avec le tandem Microsoft OpenAI et leurs 1000 milliards de paramètres, mis à part les plus grosses boîtes du monde? Ben on espère effectivement que Red Pajama pourra faire un modèle comme ça qui soit à la hauteur, tu vois. Mais t'imagines la puissance qu'il faut derrière, quoi. Donc c'est... C'est encore pire que fabriquer un Linux ou un truc comme ça. C'est vraiment du boulot et énormément de calculs. Oui, la ressource ne peut pas se combler simplement avec du temps et de la bonne volonté et de l'organisation. C'est ça, il faut plus. De la ressource, voilà. Pure et dure, quoi. Voilà. Bon, Steph, de toute façon, Steph, tu connais la règle. Hein, dans tout l'épisode, tu as voix au chapitre quand tu le souhaites et tu nous coupes la parole quand tu veux. Tu t'es intéressé un petit peu, toi, de ton côté, au modèle de langage libre? Oui. Ouais, moi je suis un peu comme Guillaume, je suis un peu un très fervent admirateur du libre et en particulier des modèles comme ça. Dès que j'ai la possibilité, je les teste. Et je trouve que là, c'est un peu le sens du partage, quoi. C'est le sens du partage du savoir, surtout pour un sujet aussi important que l'IA, parce que on peut contenir le risque potentiel pour la société. Et finalement, le fait d'ouvrir un maximum les connaissances, ça permet aussi de pouvoir se prémunir d'éventuelles problématiques qui peuvent survenir derrière. Par ailleurs, pour moi, le libre, ça autorise aussi tous les progrès rapides qu'on a vu naître ces dernières années, et en particulier là ces dernières semaines avec une accélération quasi exponentielle. D'ailleurs, moi je rebondis vraiment sur ce que vous aviez dit sur les précédents épisodes. J'ai du mal à comprendre la fermeture d'OpenAI. Hein. Déjà, c'est dans le titre, mais c'est aussi renier déjà sa propre nature, mais c'est surtout tourner le dos à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est uniquement grâce au libre. Elle s'est constituée grâce au libre. Et maintenant dire, enfin, ne même pas mentionner le nombre de paramètres dans son modèle, qu'on soit obligé de faire des supputations, ça m'inquiète pour l'avenir, quoi, honnêtement. Il y a une tendance à l'appelification qu'on peut ne pas trop effectivement apprécier sur évidemment ses travers et ses conséquences. Et je pense qu'il y a clairement eu une bascule hein, de ce type de structure vers une entreprise extrêmement tournée vers le revenu. Bon, c'est normal hein, qu'une entreprise veuille gagner de l'argent, c'est sa nature et ça peut se comprendre. Mais c'est sûr que c'est un revirement de veste qu'on ne voit que dans le domaine de la politique pour la gestion de l'entreprise. On va continuer à voir si ça évolue dans cette direction. J'en doute pas trop en fait. Il y a un autre sujet, Guillaume, que tu as vu passer dans ta veille, et moi c'est un truc qui m'a énormément plu et je me suis mis non seulement à creuser le sujet de mon côté mais aussi à rêver quelque part. C'est une simulation avec des personnages, des avatars qui ont été créés et qui sont des agents basés sur de l'intelligence artificielle générative forcément hein. Et on regarde un petit peu comment ils vivent entre eux. C'est une espèce d'expérimentation, évidemment ça nous laisse rêver vers des directions de science-fiction qu'on pourra redévelopper derrière. Décris-nous un petit peu ce que c'est, Guillaume. Mais écoute, on dit que les scientifiques, ils font des trucs sérieux, que c'est pas des marrons, toujours à plancher sur des équations imbitables, tout ça. Mais non, ils savent s'amuser aussi. Hein. La preuve, voilà, il devait avoir une clé OpenAI payée par le labo, ils se sont dit, on en a marre de regarder des telenovelas, alors on va faire la nôtre. Et puis bon, comme ils n'ont pas vu les news sur Unreal Engine 5, eh ben ils ont opté pour une esthétique Super Nintendo, mais ils se sont créés une petite ville, vue de dessus, avec 25 personnages, qui sont 25 Sims, puisque en fait c'est ça l'idée, hein, créer 25 personnages avec des personnalités, des rôles définis dans une petite ville, et les laisser interagir entre eux, et rigoler quand ils se passent 45 minutes à essayer de sortir d'une piscine, ou qu'ils font une dépression nerveuse en rentrant du boulot. Ah non, ça c'est les Sims. Donc voilà, le plus gros, mais voilà, le gros plus quand même par rapport aux Sims, c'est que chaque personnage est un agent, guidé par une instance de ChatGPT. Alors un agent, c'est une entité qui poursuit un but dans un environnement donné et qui, pour atteindre ce but, peut se fixer des sous-objectifs et planifier hein, pour essayer d'atteindre donc ces objectifs, compte tenu évidemment des contraintes de l'environnement. Donc je sais que c'est très très vague et je sais fait exprès, hein, puisqu'en fait c'est une notion très générale des agents et on utilise des agents, voire des systèmes multi-agents depuis un bon moment pour modéliser un peu tout et n'importe quoi. Bon, l'idée ici, c'est que on veut faire un agent le plus humain possible. Donc chaque personnage de Smallville, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, et non, il n'y a pas Superman dedans, chaque perso est donc plus que simplement une instance de ChatGPT, c'est pas juste ça. Donc en fait, c'est un code, c'est un programme, hein, chaque agent, qui perçoit son environnement et qui gère une mémoire à long terme, qui est utilisée pour créer à la volée des prompts qui, eux, seront digérés par ChatGPT, et qui fait donc, il y a vraiment un pont qui est fait entre le langage naturel et l'interaction entre l'environnement et les autres agents identiques. Donc ils sont identiques, structurellement identiques, mais en fait ils ont chacun une personnalité différente, un métier, ils ont même éventuellement des conjoints ou des crushs, etc. Et donc ce qui est super intéressant, c'est que justement ChatGPT n'a pas de mémoire à long terme, donc il a une fenêtre voilà, de 2048 mots, un truc dans le genre, et il peut donc pas planifier à long terme. Mais les agents de Smallville, ils ont une mémoire additionnelle, qui va fournir des infos contextuelles supplémentaires. Et donc l'interaction de ces GPT augmentés est assez fascinante, parce que ça marche assez bien. On assiste à des comportements qui sont complexes, enfin qui deviennent complexes, et qui même des trucs émergents, c'est-à-dire des trucs qui ne sont pas prévus, qu'on n'a pas préprogrammés à l'avance. Donc l'information se diffuse par exemple dans Smallville, aussi vite que dans un village moyen du sud de la France, hein, c'est-à-dire les agents peuvent se coordonner, ils peuvent planifier des choses. Il y a un exemple marrant, c'est que par exemple, il y a Isabella Rodriguez, c'est une des Sims, qui a planifié une fête de Saint-Valentin au café. Donc elle a invité d'autres agents, ils l'ont aidé à décorer le café, et puis ils ont invité d'autres agents. Et la nouvelle a circulé pendant 2 jours. Il y a 12 agents qui ont entendu parler de la fête, et il y en a 5 qui y sont allés. Donc les agents menaient leur petite vie, discutent, hein, tu pourras regarder ça comme une sorte de terrace house, mais terrace house 16 bits, quoi. Et voilà, tu peux même lire les transcriptions d'ailleurs des trucs. Donc l'article peut paraître un peu anecdotique, en fait il est révélateur d'une nouvelle tendance qui est le passage aux agents. Parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de modèles de langage en tant qu'outil passif, ou passif-agressif, hein, des fois c'est vrai. Mais bon voilà, ce sont des logiciels passifs qui répondent à un bout de texte et qui t'envoient un autre bout de texte en réponse et c'est tout. Alors que la tendance, c'est de se reposer sur leur capacité pour créer des processus automatisés qui agissent de manière plus autonome. Donc on a vu ça un petit peu chez OpenAI avec les plugins, tu vois, mais il y a des projets qui veulent aller encore plus loin, et ça peut impliquer de faire interagir plusieurs instances d'agents, enfin disons plusieurs instances de modèles de langage pour créer des agents. D'ailleurs, il y a aussi un autre petit exemple autour de ça, qui est Wolverine, hein, qui est un système expérimental pour débugger du code, et que tu as vu d'ailleurs, Steph, que tu as vu passer. Oui, tout à fait. En fait, pour Wolverine, moi j'ai eu l'occasion un peu de jouer avec, et surtout, j'ai étudié un petit peu son code sur GitHub, hein, parce que j'aime bien tripatouiller un petit peu, comprendre ce que je fais. Ce qu'il y a d'hyper intéressant chez Wolverine, donc déjà, j'adore le... Enfin, je sais pas pour vous, hein, moi, j'adore juste le nom. Le mec est un génie. Le principe, c'est ça va, en fait, régénérer automatiquement le code à partir du moment où il y a une erreur. Alors, comment ça fonctionne? En fait, ça commence avec un pré-prompt pour GPT-4. Dans ce pré-prompt, on le met en condition. Donc, on va lui décrire un certain nombre de conditions qu'on veut pour que, du coup, il puisse correctement effectuer sa tâche. Donc, on commence par lui dire, littéralement, hein, tu fais partie d'une équipe d'ingénieurs logiciels de haute volée. Voilà. Et après, on lui donne un certain nombre de consignes. Donc, on veut, par exemple, que les réponses soient en format JSON, etc. Et ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est que, au final, quand on regarde le code, hein, il fait, 200 lignes à peine, hein, donc c'est vraiment très très facile d'aller checker un petit peu tout ça. Et l'idée, c'est que c'est une boucle infinie, c'est-à-dire que on envoie au script quelque chose qu'on veut débugger, d'accord, le script lui va le lancer dans un sous-processus et puis il va attendre le résultat du script. Si le script revient avec un retour égal à 0, c'est-à-dire qu'en gros tout s'est bien passé, bah la boucle s'arrête. C'est bon, le script n'avait pas besoin d'être réparé, donc tout fonctionne bien. Si par contre, le script a planté, si c'est un retour autre que 0, ce qui se passe, c'est que dans le pré-prompt, on lui a donné des indications sur le type de retour qu'on veut. Et en particulier, il va renvoyer toutes les exceptions qui ont été levées par le programme Python. Et grâce à ça, il va pouvoir en fait modifier le code automatiquement et le rebalancer dans le script. Et en fait, c'est une boucle qui ne s'arrête qu'au moment où le retour est à 0. Et donc, ça semble assez magique comme ça. Mais franchement, je vous engage à aller voir par vous-même. 200 lignes de code, c'est pas plus que pour créer un pendu en Python. Hein. Donc, autant vous dire que c'est quand même pas très compliqué. Mais je trouve que c'est simple et à la fois très élégant. Si on met en regard ces infos d'une simulation comme ça pour voir les agents conversationnels, si on regarde la capacité qu'ils peuvent avoir maintenant, tu vois, un petit peu à réparer, à soigner des scripts buggés, etc. J'essaye de tordre l'histoire, hein, vous me voyez venir, mais dans quelle mesure est-ce que ça donne pas du crédit aux théories, oui, fumeuses, qui visent à dire que si on avance aussi vite, on arrivera à un moment où on arrivera à créer des environnements extrêmement souples, extrêmement malléable et extrêmement réaliste, et qui nous dit qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une réalité virtuelle et qu'on n'est pas nous-mêmes des agents conversationnels qui sont doués de pouvoirs tels que ceux-ci et tels que ceux dont on parle. Bon, évidemment, je fais beaucoup de science-fiction, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous l'imaginez. T'es mais bien c'est trop intéressant pour un agent conversationnel, hein, si je puis me permettre. Comment? Pardon? Tu es bien trop intéressant, vous êtes au pluriel bien trop intéressant pour être que des agents conversationnels. Oui, peut-être en 2023, mais comment sont les agents conversationnels alors, tu sais, dans un futur très lointain, c'est-à-dire en début de 2024, par exemple. Tu vois, c'est ça. On suivra. C'est écoute, bon, en tout cas, je prends tes remarques avec plaisir, c'est sympa de ta part. Est-ce que ChatGPT est un bon prof de Kotlin, Steph? Alors là, je vais vous raconter une anecdote que je trouve absolument géniale. Je me suis mis en tête de développer une application de traduction de sous-titres sur mon Pixel. Pourquoi? Je sais pas, ne me demandez pas, j'ai eu envie. Sur ton smartphone donc, ok. Sur mon smartphone, exactement. Donc pour ça, je me suis dit, bah, je vais apprendre Kotlin, puisque c'est un peu le langage de programmation qui est très fort poussé par Google pour ça. J'ai donc fait mon chemin d'apprentissage habituel, c'est-à-dire le site officiel, Open Classroom, YouTube, et puis après, j'ai commencé à coder. Bon là, très vite, hein, et comme habituellement, à chaque fois qu'on apprend un nouveau langage, je me suis retrouvé bloqué sur un peu un premier problème. Pas forcément important, mais au moins un premier problème. Syntaxe donc, bah, ou une manière de, voilà, de déclarer ou, quelque ou chose. Difficulté en fait à concevoir la façon dont je vais essayer de formaliser un peu le truc, ou alors j'ai un bug qui survient, j'ai du mal à comprendre. Bref, je me souviens plus, mais concrètement, ça a commencé comme ça. Donc, à nouveau, chemin habituel. Google, Stack Overflow, bon. On arrête tout là, c'est 2023, donc allô, hashtag IA générative. Et si, en fait, on pouvait utiliser ChatGPT, mais pour apprendre à apprendre plus vite. Pas pour faire à ma place, pour apprendre à apprendre plus vite. Donc, pour ça, je me suis dit, on va joindre l'utile à l'agréable. J'ai pris un mois d'abonnement pour avoir accès à GPT-4, parce que ils le vantent. Avoir des capacités de raisonnement qui sont proches de celles d'un humain. Très bien, allons-y, testons. Donc, j'ai commencé par lui soumettre, un peu comme pour Wolverine, d'ailleurs, c'est comme ça que j'y ai pensé, je lui ai commencé à lui soumettre un pré-prompt qui était très, très restrictif. C'est-à-dire, je lui ai dit, je ne veux pas de solution. Je veux que tu m'expliques. Je veux que tu sois, en fait, mon professeur. Je ne veux pas que tu me donnes une solution toute faite. Je lui ai dit aussi, je veux de l'aide, mais je veux continuer à apprendre par moi-même. Je lui ai dit que je voulais aussi des températures dans les réponses qui étaient à zéro, c'est-à-dire la moins générative possible, quoi, c'est-à-dire la plus factuelle possible, autant que faire se peut pour ce type de modèle. Et je lui ai dit aussi que quand il n'était pas sûr, je préférais qu'il me dise « je ne suis pas sûr » plutôt qu'il avance une bêtise. Bon, alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de conditions, est-ce que au final, ça a été utile? Alors non seulement ça a été utile, mais ça marche du feu de Dieu, en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir un prof particulier. C'est-à-dire que je faisais mon programme comme je le ferais d'habitude, sauf qu'à chaque fois que je butais, et c'est au final ce qui rebute beaucoup les gens à se lancer dans la programmation, c'est que on a l'impression de grimper des monts, mais mal équipés, quoi. On se retrouve face à des difficultés, des fois, qui sont faramineuses, qu'on n'a pas du tout envisagées, parce que pour nous, ça semble être qu'un petit problème. Et en fait, quand on essaye de tirer un petit peu sur le fil, on se rend compte que c'est une énorme quantité de problèmes qu'il va falloir gérer. Et là, ça devient très vite démoralisant. Mais là, c'était absolument pas le cas. Dès que j'avais une difficulté, je posais la question. Encore une fois, hein, je ne voulais pas obtenir de réponse toute faite. Je voulais qu'il m'explique, en gros, où j'avais péché, où est-ce que je pouvais essayer d'améliorer un petit peu les choses. Et du coup, ça marchait hyper bien. C'est-à-dire que j'ai pu coder mon projet en quelques jours, là où habituellement, il m'aurait fallu même quelques semaines. Même mieux, c'est-à-dire que j'avais anticipé le fait qu'il allait halluciner un moment ou un autre, il allait me donner des informations qui allaient être erronées, même si il le disait très doctement, je pouvais me faire avoir. Mais le gros avantage du code, c'est que quand il a des informations qui sont factuellement fausses, c'est facile, ça compile pas ou ça bug. Donc non seulement j'ai pu en fait analyser ses erreurs à lui pour me progresser moi, mais en plus de ça, au bout d'un moment, quand il générait des bêtises, je le voyais même, en fait, dans ce qu'il générait. Et donc, du coup, ça m'a permis d'apprendre à nouveau encore plus vite. Donc, franchement, c'est une super expérience. Je recommande vraiment à quiconque a envie d'apprendre un langage de programmation de se lancer là-dedans. Faut pas hésiter, d'ailleurs, là, pour le coup, à utiliser les capacités de ChatGPT pour pouvoir générer des idées de projet. Parce que des fois, on bloque en se disant, bah, quel projet je vais faire? Donc, on peut tout à fait lui dire quel projet est adapté à un débutant. Et après, de se lancer dans un pré-prompt avec les mêmes indications. Et franchement, pour apprendre, je trouve que, enfin, y a rien de mieux. Hein. À date, moi, j'ai pas trouvé de cours qui soit aussi efficace que ce que j'ai fait là en quelques jours, quoi. Guillaume, t'es surpris de ce témoignage ou est-ce que ça te... Ah ben un peu, ouais, enfin surpris, disons agréablement, quoi, je veux dire, c'est vrai que je m'attendais pas à que ce soit aussi positif, et il y a vraiment rien à acheter, mais c'est bon à savoir, hein, parce qu'on peut tous avoir besoin effectivement d'une formation en quelque chose un jour, donc c'est très bon à savoir, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce dont on avait l'intuition, si tu veux, dans les démos où effectivement il était capable de se mettre à la place d'un prof, quoi, tu vois, c'est-à-dire effectivement de te faire accoucher de la... de la solution sans te la donner directement. Ça, c'est vrai que c'est quand même assez précieux. Donc, ça prouve effectivement que, bah oui, ça peut vraiment aider dans le cadre éducatif et que c'est pas juste une nuisance, quoi. C'est quelque chose de qui a un potentiel énorme. Allez, ça vous donnera des exemples de choses à tester de votre côté. Peut-être que le moment est le plus rêvé que jamais de vous mettre au développement. On continue, Guillaume, avec les modèles de langage. Oui, bah, il y a une hype en ce moment donc, hein, autour des agents intelligents. Donc, je vous l'ai dit, c'est vraiment une tendance. Et il y a, donc, il y a deux projets qui en témoignent. Il y a AutoGPT et il y a BabyAGI. En fait, ce qui en témoigne, c'est même le nombre de vues sur les vidéos YouTube qui testent ces trucs. C'est assez marrant. Et donc, les deux sont sur un principe similaire. Donc, c'est créer une interface dans laquelle tu vas créer un agent. Donc, tu nommes donc, un agent, c'est comme ça qu'il l'appelle. Tu lui donnes pas des prompts cette fois, mais tu lui donnes un objectif. Derrière, il y a ChatGPT qui est instrumentalisé pour atteindre le but que tu lui donnes. Donc, tu rajoutes aussi de la mémoire externe à ChatGPT. Hein, donc, c'est pareil, c'est un ChatGPT un petit peu augmenté. Et on peut lui demander, a priori, n'importe quoi. Parce que de toute façon, déjà, ChatGPT, tu peux lui demander n'importe quoi, il va répondre à un truc. Et là, donc, potentiellement, AutoGPT peut devenir une machine à tout faire. Alors, c'est ce qui fait espérer aux développeurs de ces scripts, hein, qu'ils sont sur le chemin d'une intelligence artificielle générale. Bon, on a déjà parlé un petit peu du délire sur les AGI et des, voilà, des grosses attentes qu'il y avait autour. D'ailleurs que ça invoque des choses qui sont plus ou moins de la science-fiction selon les gens. Bon, là, c'est pas clair du tout que AutoGPT soit plus intelligent que ChatGPT lui-même, tu vois. Mais bon, l'adjonction de mémoire interne peut aider, effectivement. Et puis, il y a cette interaction qui, ça, on le sait par contre, effectivement, hein, faire interagir éventuellement deux IA, ça peut aider à avoir des résultats meilleurs. Donc, tu peux, par exemple, bon, ben voilà, un exemple simple, à demander quelle est la Ford Fiesta la moins chère actuellement en vente en France. Bah oui. Pourquoi Ford Fiesta ? Bah, c'est super intense, ça. Et normalement, il va te répondre, voilà, la Ford Fiesta, elle coûte 200 €, je suppose. Et bon, après, plusieurs va-et-vient, tu vois. Et donc, entre ChatGPT et lui-même, il va y avoir plusieurs va-et-vient. Et voilà, il va commencer à planifier quelque chose. Il va te donner un résultat. Un résultat, d'ailleurs, qui pourrait être, je sais pas, un format Excel. Ou alors, voilà, tu peux lui demander aussi de te donner, pareil, un rapport sur le chiffre d'affaires des 7 meilleurs chocolatiers des Hauts-de-France. Bon, ben voilà, ce genre de truc. Sachant qu'il ne peut pas encore vraiment agir, c'est-à-dire en payant des choses en particulier, et c'est sans doute mieux comme ça. Alors pour le moment, les résultats sont assez mitigés finalement, parce que parfois c'est quand même un peu le bordel. Parfois il y arrive, et puis parfois bah, il y arrive, mais bon. Donc parfois il n'y arrive pas, et puis parfois il y arrive, mais il y a toujours chez moi ce doute, voilà, parce que cette info finalement, elle est vraie ou tu l'as inventée pour me faire plaisir ? Tu vois, c'est pas évident. Donc au-delà de AutoGPT ou BabyAGI, il y a aussi des chercheurs qui s'intéressent à la possibilité d'avoir des agents autonomes qui fassent le boulot à leur place, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc à Pittsburgh, ils ont essayé d'interfacer un bras manipulateur, un bras donc, pour de la synthèse chimique, avec un logiciel qui se sert aussi de ChatGPT pour accomplir des objectifs. Bon, là, les objectifs, c'est des objectifs chimiques, hein, donc c'est par exemple, synthétise-moi 19 mg de méthamphétamine ou 20 litres de gaz sarin, voilà, ce genre de truc. Non, bien sûr, évidemment, ils ont limité les capacités. C'est une bonne idée. Voilà, ils ont limité les capacités de l'agent, ils ne sont pas dingos. Hein, donc, mais bon, leur agent est composé grosso modo d'une partie capable de chercher sur le web via Google, d'une partie recherche de documentation technique, offline éventuellement, d'un environnement d'exécution de code pour tester du code Python hein, en général, et donc il faut aussi fabriquer des programmes. Hein. Et il y a aussi la manipulation du robot, qui se fait donc via un programme, c'est pour ça qu'il y a un truc de test de code. Et au milieu, bah, évidemment, il y a un agent hein, qui planifie en se servant de tout ça, et cet agent se sert de GPT-3.5 pour répondre à des demandes qui sont faites à langage naturel. Donc en gros, tu lui dis « fais-moi de l'ibuprofène », et puis il va chercher comment faire, il va trouver la première réaction à faire, me demande pas du tout ce que c'est, j'en ai absolument aucune idée, et donc voilà, il pourrait éventuellement l'accomplir avec son bras. Ils ont aussi demandé de faire une réaction chimique de Suzuki, alors ne dépendant pas ce que c'est non plus, bien entendu, mais bon, l'agent, comme moi, bah, apparemment il sait pas ce que c'est non plus, parce qu'il va faire plusieurs recherches Google pour savoir quoi faire et comment la faire, et après il met au point un programme Python pour faire des calculs de dosage, parce qu'il se rend compte apparemment qu'on peut pas faire des calculs aussi complexes tout seul, donc il utilise Python pour faire des calculs de dosage, et ensuite, son programme, ben évidemment, il va chercher la doc, et puis il va essayer de manipuler le bras. Donc, globalement, les chercheurs sont plutôt impressionnés par les capacités de planning et de débrouillardise du modèle. Hein. Ça reste une expérience, mais ça vous la voit quand même à de potentiels robots laborantins. Donc c'est encore un job à manger. Et évidemment, ça soulève aussi des inquiétudes sur la sécurité et la sécurité du monde, en gros, parce que bah oui, imagine si n'importe quel pingouin comme moi peut demander à un robot de synthétiser n'importe quoi. Bon, je force le trait, évidemment, ça sera probablement jamais comme ça, mais voilà, rendre beaucoup plus accessible et rapide la synthèse de produits chimiques, ben, c'est encore un souci d'un autre niveau que la synthèse de chansons de Jay-Z qui ne sont pas chantées vraiment par Jay-Z, tu vois. Donc, pas besoin de GPT-5, tu vois, pour avoir des innovations rapides et passionnantes, hein, et parfois inquiétantes. D'ailleurs, à ce propos, OpenAI a confirmé qu'ils n'étaient pas en train d'entraîner GPT-5, ça valait bien la peine de faire cette lettre ouverte pour un moratoire. Donc, ils n'ont pas l'intention de le faire pendant un certain temps, parce que GPT-4 a probablement déjà dû représenter un effort vraiment très important, donc ils vont capitaliser dessus. Donc il est suffisant à ce stade, en plus. Pour l'instant, en plus, bon, ils ont peut-être aussi atteint une forme de saturation au niveau des datasets, peut-être même au niveau de l'architecture, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça veut pas du tout dire que GPT-4 est pas lui-même en train d'être ajusté, que ses capacités sont pas en train d'être étendues d'autres manières. Ça, voilà, on vient d'en parler, d'ailleurs. Steph, tu voulais nous parler de Chaos GPT ? Alors, oui, entre autres, pareil, hein, j'ai été regarder le code source d'AutoGPT. Alors, je trouve que c'est, pour le coup, ça reste une très belle implémentation. Il n'y a pas de magie dedans, mais c'est un peu le même principe que ce qui était fait plus haut, c'est-à-dire une boucle infinie. Il y a GPT-4 qui trace les grandes lignes des étapes, pendant qu'en fait, c'est des agents GPT-3.5 qui font la petite main. Ils vont récupérer toutes les données via des API. Google, etc. Et enfin, ils écrivent le tout dans un fichier, ils demandent l'avis à l'utilisateur pour la suite à donner. Donc je trouve que c'est quand même pareil, hein. C'est pas très compliqué, hein. Il doit y avoir quelques milliers de lignes de code, mais en termes d'implémentation, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et effectivement, pour le fun, parce que forcément, hein, c'est libre, donc quelqu'un a forqué le projet et s'est mis à développer un Chaos GPT, qui m'a beaucoup fait rigoler. Donc en gros, c'est un auto-GPT, mais sur lequel on lui a donné comme objectif, je cite, « de détruire l'humanité en assurant sa propre survie ». Donc franchement, je vous encourage à lire les fils sur Twitter, où en gros le dev les met à disposition, s'ils sont toujours en ligne, hein, parce que bon, Twitter étant ce qu'il est en ce moment. C'est à mourir de rire, vraiment c'est à mourir de rire. C'est plutôt pas mal foutu, alors évidemment au bout d'un moment il perd le fil, hein, il sait plus du tout ce qu'il dit, et puis il commence à dire n'importe quoi, mais au début c'est assez intéressant, quoi. Et encore une fois, hein, tout relève du pré-prompt à la base, parce que et ça doit être, je pense, très cadré au niveau de ce que GPT-4 peut faire, bien. Mais ils ont dû trouver le moyen pour le faire sauter. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça va donner du grain à moudre à ceux qui ont peur de ces outils-là et qui ont peur pour l'avenir de l'humanité, du coup, ou pas, c'est selon. Merci Steph. On continue, Guillaume, avec les modèles de langage qui pourraient gagner à perdre un petit peu de poids. D'aucuns diront comme moi, mais ils ne me connaissent pas vraiment. mais qu'est-ce que tu racontes ? Bon, en tout cas, j'ai déjà parlé de la compression de modèles de langage auparavant avec mes histoires de quantisation, de quantification, bon, quel que soit le mot français. Ouais. Pour faire simple, on peut compresser des IA un petit peu comme des images en JPEG. Donc une image en JPEG compressée, elle n'est pas identique à l'image d'origine, elle est un peu dégradée, mais bon, visuellement elle fait le boulot, quoi, tu vois, on voit pas vraiment la différence. En plus, vous savez qu'il y a différents formats d'images qui compressent de différentes manières, vous avez JPEG, vous avez HEIF, vous avez JPEG XL, vous avez WebP, etc. Et donc de manière sous-jacente, il y a diverses méthodes de représentation, de compression des images, diverses transformations, etc. Et on peut les cumuler parfois, comme pour JPEG XL. Pour les IA, c'est pareil. Ça semble de plus en plus clair que non seulement les IA peuvent être compressés, mais qu'en plus, les plus gros modèles de langage sont sous-optimaux. Ils sont trop gros. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que 175 milliards pour GPT-3, 540 pour Palm, ça fait quand même lourd. Donc bon, alors, j'avais parlé d'une manière déjà de prendre une sorte de JPEG et d'une IA qui était de coder ces paramètres sur très très peu de bits. Donc c'est une méthode d'optimisation, hein, donc en fait, très peu de bits, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez des nombres et vous les remplacez par des nombres que vous avez sur une grille de valeurs fixes. Donc vous avez une grille de valeurs possibles qu'on construit avec le moins de bits possible, donc voilà, qui est décrite avec le moins de bits possible, de le moins d'informations possibles, et on a des points un petit peu partout, qui sont les vraies valeurs, qu'on doit approximer avec des points de la grille. Donc on va chercher lesquels sont les plus proches des points de la grille, pour que, dans l'ensemble, l'erreur cumulée par tous les points soit la plus faible possible. Donc toute la subtilité va être de bien construire la grille et de bien optimiser le tout. Donc avec ces méthodes, on divise par 8 facile la taille d'une IA, hein, donc c'est déjà vraiment génial. Mais c'est pas fini, parce qu'apparemment, les gros modèles de langage sont pas loin d'être assez creux. Alors, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, quand je dis que c'est assez creux. C'est ce que montrent les travaux sur SparseGPT, qui est une nouvelle méthode de compression des modèles. Alors, sparse, ça veut dire creux. Creux dans le sens où plein de valeurs sont nulles ou très faibles dans une matrice. Donc, il faut vous représenter un grand tableau de nombres sur lequel 80 à 90% des nombres sont des zéros. En gros, il y a des zéros partout, et puis il y a quelques valeurs non nulles qui dépassent. Et donc, quand vous faites des calculs dessus, bah, les valeurs nulles, elles n'interviennent pas, les zéros, ils n'interviennent pas. Donc, c'est un petit peu idiot de se braquer toutes les lignes du tableau si on se fout de 90% des entrées. D'où l'idée de prendre en compte uniquement les valeurs non nulles, ça va énormément plus vite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si on a des matrices qui sont suffisamment creuses, on peut gagner énormément de temps. Or, il semble que Opt et Bloom, donc qui sont d'autres modes de langage, qui sont par ailleurs des poids lourds, 175 millions de milliards de paramètres, peuvent être rendus très creux. C'est-à-dire que si on met à zéro plein de valeurs dans les poids, donc dans les paramètres, hein, ben, ça change quasiment rien à ce qu'ils répondent. Le truc, c'est quel poids mettre à zéro. C'est un peu plus compliqué que juste ceux qui sont petits, en fait. En vrai, c'est encore un problème d'optimisation où il faut trouver le meilleur compromis. Donc un peu plus précisément, on s'amuse à mettre des caches sur les poids qu'on veut oublier, et on regarde ce que ça donne. Donc là, on regarde l'erreur globale, encore une fois, hein, sur le résultat du calcul, sur la partie quand on cache et quand on cache pas. Donc le but du jeu, ça va être en gros de trouver le meilleur cache qu'on va mettre comme ça sur notre tableau de nombres. On va oublier certains poids, et puis on va voir globalement quel est le meilleur compromis. Mais bref, avec tout ça, on peut virer plus de la moitié des poids sans dommage perceptible. Sur Bloom, on peut même en virer 60%. Ça fait quand même 100 milliards de paramètres en moins. Donc c'est sans plus léger, hein, avec 100 milliards de poids en moins, c'est sûr. Donc le plus beau, c'est que cette technique qui creuse donc les modèles est utilisable avec la quantification. Donc c'est vraiment un double combo. Donc si on imagine qu'on code sur 3 bits, et c'est parfaitement possible hein, sur les plus gros modèles, et qu'on vire 50% des poids, ben, ça veut dire que le lama 65 milliards, le plus gros des lamas qui est comparable à ChatGPT, hein, il tourne sur un PC avec 16 gigas de RAM. Et donc là, franchement, c'est quand même assez extraordinaire. Et il y a encore plus fort, en plus. Enfin, en tout cas, il reste encore une piste, peut-être, pour encore plus optimiser tout ça. Parce qu'il y a un article, alors c'est pas un article récent, mais je pense que c'est relié, que ça pourrait revenir à la mode. C'est un article qui explore les modèles de langage qui sont plus petits que sont BERT et XLNet. Alors BERT, il est plus petit, mais il est très très important. On en reparlera plusieurs fois. Et il conclut que ces modèles sont extrêmement redondants. En clair, ils contiennent énormément de neurones qui font à peu près la même chose, c'est-à-dire qui s'activent sur les mêmes structures. Les couches de neurones elles-mêmes se ressemblent énormément en début de traitement, et il est tout à fait possible qu'on puisse se passer de beaucoup de neurones en réalité parce qu'ils ne servent pas à grand-chose. Donc on pourrait imaginer des optimisations, comme des variations de longueur des couches, enfin de largeur des couches, hein, pour optimiser la densité des connaissances. Alors, pour conclure, ce que je veux dire, c'est que les modèles actuels de langage sont sans doute sous-optimaux, voire très sous-optimaux. Il y a plein d'espoir de les voir maigrir de manière très spectaculaire dans les années à venir, à tel point que je ne serais pas surpris que d'ici 5 ans, il soit possible d'en avoir d'avoir un assistant personnel sur son téléphone mobile en offline. Entre les optimisations, les nouvelles puces accélératrices qui vont se généraliser, ouais, l'augmentation traditionnelle de la mémoire des performances des puces chaque année, ça me paraît probable que demain, on s'échange des IA comme des apps normales. Comme on le fait pour des apps normales aujourd'hui, et qu'elles soient absolument partout, dans les ordinateurs, dans les téléphones, dans les consoles de jeux, dans les voitures, elles peuvent être strictement partout. Et elles pourraient aussi interagir entre elles. Donc à mon avis, elles vont proliférer. On va les voir de plus en plus arriver partout, sans doute, dans des appareils les plus incongrus, ça j'imagine, effectivement. On peut continuer, sauf évidemment, Steph, si tu veux rajouter quelque chose à tout ça, évidemment, n'hésite pas. Mais il y a une entreprise dont on parle pas beaucoup dans ses innovations, dans l'intelligence artificielle, ce feuilleton passionnant qu'on suit depuis quelques épisodes maintenant. Et il est grand temps qu'il se retrousse les manches et qu'on commence à parler d'eux dans ces rubriques-là, Guillaume. Bah, c'est Amazon. Et ouais, écoute, Microsoft et Google sont sur le ring, là, ils sont devant la foule en délire, ils se mettent des coups. Meta, il est dans son coin. Bon, il crée des modèles qui distribuent, qui font le bonheur, voilà, de toute une communauté de scientifiques et de geeks. Et Amazon, qu'est-ce qu'il fait? Qui le remarque, Amazon, d'ailleurs, hein, le pauvre? C'est le pauvre gamin qui passe sa récré tout seul à jeter des cailloux à travers le grillage au chien qui passe. Je sais pas pourquoi, je dis ça. bref, Amazon doit revenir dans le game. Et pour ça, pour revenir dans le game de l'IA, il a une solution solide, je dirais même bedrock solide, donc totalement incassable. Il vient de dévoiler une suite d'outils pour l'intelligence artificielle avec un modèle de langage qui s'appelle Titan et qui s'accompagne de nouveaux services cloud pour personnaliser ce modèle et en créer de nouveaux. Donc c'est la suite Bedrock, destinée à faire de l'IA génératrice as a service, tout simplement. D'ailleurs, il y a d'autres modèles qui seront aussi disponibles. Hein. Parce que ceux d'Amazon, il y aura ceux d'Anthropic et de Stability AI qui seront aussi disponibles. Donc, par exemple, Stable Diffusion sera as a service via Bedrock. En réalité, bah, Amazon profite déjà du boom de l'IA quand même, hein, même si c'est un arrière-plan. Parce qu'ils proposent déjà des instances avec des puces spécifiques pour l'entraînement et l'inférence des modèles. Ils proposent des GPU Nvidia. Il a aussi ses propres puces, les Trainium et les Inferentia, qui sont conçues par AWS. Et là, le but, c'est de permettre aux boîtes de tester et de déployer facilement des modèles IA et de les customiser. D'autre part, Amazon a aussi une offre d'assistance au codage pour les développeurs qui s'appelle Code Whisperer. Donc, on en avait déjà parlé. Et bon, bah, évidemment, il est en face du GitHub, du copilote de GitHub. Et il se dit, bah, pour s'imposer, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais le donner gratuitement. Et voilà. Et donc, pour les particuliers, vous pourrez tous utiliser Code Whisperer gratos. Donc, c'est une offre séduisante puisqu'elle est quand même en regard de l'offre de Microsoft, de GitHub, qui est de 10$ par mois. Et il sera intégré, ce Code Whisperer, à des éditeurs, plein d'éditeurs, plein d'idées, donc plein d'interfaces, qui permettent donc d'aider dans plein de langages, du CO Scala en passant par Python, Ruby, etc. Donc, l'IA as a service à le vent en poupe, hein, clairement, puisque c'est aussi ce que propose Nvidia, hein, qui lui aussi offre ses propres puces en location, en partenariat avec d'autres prestataires, donc comme AWS, on l'a dit, mais aussi comme Azure, comme Google Cloud, etc. Donc il y a vraiment une mouvance comme ça de démocratiser l'IA as a service. Peut-être demain un AWS de l'IA, ça se dessine de plus en plus en tout cas. Mais c'est sûr que quand même, Amazon, on les a pas vus comme tu les présentes dans le ring de l'affrontement entre des Microsoft et des Google, par exemple. Je pense pas qu'ils vont être dépassés forcément. Il y a quand même, quand tu cites à chaque fois les GAFAM ou les GAMAMO, selon comment on doit prendre en compte les OpenAI et compagnie, il y a quand même une marque qu'on cite pas du tout là-dedans, et je commence à me dire, moi, que ça va vite leur faire une sacrée gifle, c'est Apple quand même. Ils sont pas du tout absents dans la prise en compte de l'intelligence artificielle, mais on a du mal à voir comment est-ce qu'ils pourraient suivre cette vague, et je commence à me dire que ça pourrait être très dommageable pour eux, vu à la vitesse à laquelle ça va, mais bon, on verra ça. On termine cette rubrique d'intelligence artificielle, Guillaume, parce que tu cites Nvidia. Bon, il y a les prix des cartes graphiques qui pourraient prendre très cher maintenant, à nouveau, l'histoire se répète. Tu l'avais prophétisé, la hype de l'IA fait remonter les prix des cartes graphiques. Non, mais pourquoi? Non, heureusement, pas forcément pour moi-même ou pour les pauvres péons, parce que ça concernera plutôt les GPU très haut de gamme et professionnels. Alors, c'est John Carmack d'ailleurs qui l'a remarqué sur Twitter et sur eBay, en l'occurrence, puisque les prix des H100 dépassaient allègrement les 40 000$. Alors, une H100, c'est un beau bébé, hein, c'est une carte qui est très chère à la base. C'est un GPU professionnel qui coûte facilement 10 000$. Enfin, il coûte 10 000$, quoi, pas 40 000. Et donc, en plus, ils ont été surclassés par les A100 dernièrement. Donc, ça reste des composants qui sont quand même extrêmement utiles, hein, voire vitaux, pour entraîner des IA. Et donc, cette hausse des prix montre peut-être le début d'une pénurie de composants pro. Honnêtement, je pense pas que Monsieur Tout le Monde Gamer ait forcément à s'en faire, parce que les H100 ont 80 gigaoctets de RAM quand même, et la quantité de VRAM, elle est cruciale, c'est la reine, hein, pour entraîner les modèles de deep learning, c'est vraiment ça qui est très très important. Or, les cartes grand public, avec 8 ou 12 gigaoctets, c'est inutile, tout simplement. Donc, enfin, tu peux faire un peu d'inférence dessus, mais franchement, c'est inutile. À moins de 24 gigaoctets de RAM, c'est des cartes qui ont très peu d'intérêt pour la machine learning, et qui donc sont, à mon avis, à l'abri des prix délirants. Les pros, par contre, c'est beaucoup moins sûr, et évidemment, c'est encore la faute à Elon Musk, ça, hein, c'est forcément. Puisque Elon vient de créer une nouvelle compagnie qui s'appelle X.AI, qui a été inscrite dans le Nevada. Et il a aussi acheté compulsivement des GPU Nvidia. C'est ce que je ferais si j'avais autant d'argent que lui, probablement. Il en a acheté pas moins de 10 000. Et bon, certainement même des pas. H100 ou des A100. Comment ça? Tu crois pas? Non, je suis sûr que tu ferais pas ça. T'as une conscience trop grande pour oui, ce genre de choses. C'est vrai, probablement. En tout cas, voilà, c'est des GPU qui vont donc être utilisés probablement chez XAI, qui, semble-t-il, est une boîte destinée à concurrencer OpenAI. 10 000 de ces puces, c'est quand même une affaire à pas à moins de 100 millions de dollars. Hein. Mais bon, attention, l'ambition de Musk est immense. C'est la recherche de la vérité. Et oui, comme certains ex-présidents amateurs d'actrices porno, Elon veut aussi lutter pour la vérité. Mais il ne s'arrête pas là. Il veut sauver la race humaine en créant une IA qui s'intéresse à nous. J'invente rien, hein, tout est dans une interview absolument lunaire qu'il a donnée sur Fox News à Tucker Carlson. Et on y apprend que Musk veut une truth-seeking AI, qu'il appellerait d'ailleurs Truth GPT, et qu'il cherchera à comprendre l'univers. Et parce que comme ça, si elle veut comprendre l'univers, elle va pas nous tuer, parce qu'elle nous trouverait intéressant. aussi, puisqu'on est intéressant dans l'univers. Logique implacable. Logique implacable. Donc il rajoute une magnifique métaphore avec des chimpanzés. Regarde, nous et les singes, on s'intéresse à eux, on ne veut pas les exterminer. On pourrait les exterminer, mais on le fait pas parce qu'on les trouve intéressants. Tu vois, Sonia ferait pareil avec nous. Donc je laisse à tous les zoologues et à tous les chimpanzés à qui il reste 300 mètres carrés de forêt pour vivre le soin de mesurer la saveur de ses propos. Mais bon, concrètement, ce que veut faire Musk semble simple, hein, c'est un ChatGPT pas woke. Et oui, parce que vous savez, ChatGPT, comme la Xbox, est woke. Et donc, il veut sans doute créer un modèle de langage qui sera, bon, mais techniquement, je pense, absolument pareil, exactement pareil que partout ailleurs, à la base, fondamentalement, mais dont la phase de renforcement, donc, comme on en parlait tout à l'heure, sera non biaisée au sens de Musk. Comprendre tout simplement que la modération sera différente, puisqu'en réalité, de toute façon, tout ça est un enjeu de modération, exactement comme sur Twitter, d'ailleurs, ou partout ailleurs. Eh bien, ça promet, si les techniques de modération à la Twitter arrivent dans les modèles de langage proposés par Elon Musk, ça laisse songeur. Avant qu'on enchaîne sur la rubrique suivante, je ne sais pas si tu veux un mot de la fin sur l'intelligence artificielle ou sur cette rubrique, Steph. Bah, je voulais juste, en fait, rebondir un petit peu sur ce qu'a fait Elon Musk, en fait, parce que je trouve qu'au final, c'est quand même pas glauque, hein. On commence vraiment à comprendre, en fait, l'objectif initial du moratoire qu'il a voulu sur l'IA. C'était le temps de lancer sa boîte, quoi. Donc, je trouve que vraiment, j'avais énormément de respect pour cet homme, pour toutes les réalisations qu'il a faites, mais là, je commence vraiment à me poser la question de savoir si son traitement antidépresseur est correctement dosé, hein. Faudrait quand même qu'il puisse revoir un médecin, quoi. Parce que, ouais, c'est assez dingue, hein. C'est pas le Elon Musk qui était entrepreneur et pour lequel tout le monde avait énormément de respect, même des 5 dernières années. Hein. J'ai l'impression qu'il a complètement viré de bord, quoi. Bah, en fait, j'ai quand même le sentiment que dès qu'il s'agit d'industrie matérielle, mis à part la robotique qui est une lubie un peu curieuse, je pense qu'il y a matière à creuser et si on n'est pas forcément en phase avec tout ce qu'il propose, il y a quand même des choses chouettes, en tout cas ambitieuses, qui sont mises en place. La mobilité électrique a été largement poussée dans l'industrie parce qu'il a sorti pas mal de choses du côté de Tesla. Il y a des choses évidemment autour de l'espace et la connexion par satellite. Sont des sujets qui sont traités de manière intéressante, à défaut de dire que tout est parfait. Mais effectivement, dès qu'on touche à des choses qui sont un petit peu moins substantielles et qui sont plus proche du logiciel, je pense aux réseaux sociaux ou à des approches autour de l'intelligence artificielle, et la composante intelligence artificielle de la robotique, bah, ça laisse un peu songeur et on se demande si y a effectivement pas quelque chose qui évolue dans sa personnalité ou si c'est juste qu'il n'est pas fait pour ça. Je repense à ceux qui disaient « Tu vas voir Elon Musk un truc comme les réseaux sociaux, il sait très très bien ce que c'est que développer des choses dans un environnement très réglementé parce qu'il a lancé Tesla qui sont des voitures et donc très réglementé. » Je pense que l'analogie a eu vite ses limites. Tant pis. On enchaîne. On continue, Guillaume, dans cette nouvelle rubrique, à parler un peu de Twitter et d'Elon Musk, du coup. Bah, on est bien obligé, écoute, puisque bon, il y a eu quand même certaines news sur Twitter aussi. Bah, Twitter qui pourrait, savoir reprendre vraiment du poids de la bête, hein, et voir se réinventer totalement pour concurrencer d'autres plateformes sur d'autres marchés, puisque d'après Musk, Twitter pourrait redevenir rentable d'ici 6 mois. Et bon, toujours d'après lui, Twitter aurait perdu 81% de ses effectifs. Donc il aurait désormais 1500 employés. Bon, pourtant, Twitter fait désormais la danse du ventre aussi devant les créateurs de contenu, hein, en rebaptisant le super follow en abonnement, qui permettrait de poster du texte de longueur quasi illimitée et des vidéos, hein, tout en gardant l'intégralité des recettes d'ailleurs. Donc les créateurs garderaient l'intégralité des recettes aux frais des prestataires de paiement prêt. En tout cas, pendant 12 mois, Twitter ne prélèvera aucune commission sur les abonnements. Évidemment, ça semble être une réponse à ce fameux service Notes de Substack, et de le Substack de la Discord de la semaine dernière. On peut aussi remarquer que Twitter fait un partenariat avec la plateforme de trading eToro, qui ouvre peut-être de nouveaux horizons. On sait que Musk aimerait avoir une plateforme de paiement. Bon, eToro, c'est du trading, c'est beaucoup de crypto. Bon, on va savoir. Et Twitter pourrait donc devenir, va savoir quoi, le nouveau Medium, le nouveau YouTube, pourquoi pas le nouveau PayPal, et puis le nouveau Robinhood aussi. Et puis tout ça à la fois. Et évidemment, avant de devenir le nouveau 4chan, remarque, c'est pas incompatible. Il pourrait devenir un 4chan et Robin Hood mixé à la fois. Je sais pas ce que vous en pensez, ça pourrait être sympa. Steph, je te laisse dessiner ton envie de cette évolution. Bah, moi, je trouve que honnêtement, pour Twitter, sur le fond, ça reste une bonne idée. Hein. Je pense que si Elon n'était pas à la manœuvre, ça aurait été probablement quelque chose qui aurait pu sauver le réseau avant qu'il soit racheté. Maintenant, étant Musk, quelle garantie on a sur la pérennité de la démarche, quoi? Je suis pas sûr qu'il va pas changer à nouveau qu'il va pas tourner sa veste dans 15 jours, 3 semaines, quand il va voir qu'un nouveau concurrent va faire autre chose. Et en fait, là, on a l'impression qu'il est juste en réaction finalement de choses qui se produisent autour de lui, mais qu'il est jamais à l'initiative. Ce qui est encore une fois pas du tout l'image qu'on avait de lui par le passé. Avant, il était plutôt dans le côté un peu disruptif, à essayer des choses qui n'avaient jamais été faites. Et là, il ne fait que copier en améliorant plus ou moins, mais je trouve ça triste parce que sur le fond, encore une fois, c'était vraiment, je trouve que c'est une bonne idée, hein, ce système-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. J'ai dû... Vas-y, Guillaume, je te laisse. De quoi ? Non, mais vas-y. Sur le papier, ça peut être, pourquoi pas, des bonnes idées d'avoir ce type de service. Je ne suis pas sûr que le terrain de Twitter soit un terrain propice pour ça. Et je ne suis pas certain que ça apporte suffisamment de valeur par rapport à ce qui existe aujourd'hui à côté pour que ça ait de l'écho. Mais effectivement, tu as raison. Ça rend les gens captifs, tu vois. Tu fais plus passeur de liens, en fait. T'es obligé de rester sur la plateforme. Donc, du coup... Ça offre en fait une nouvelle vision du réseau qui n'avait pas encore été exploitée. C'est pour ça que je trouve que c'est plutôt une bonne idée, en tout cas, de toutes celles qu'il a eues jusqu'à présent. Enfin, je sais pas si là on peut lui accorder la paternité de celle-là, mais je trouve que c'est plutôt là pour le coup quelque chose d'intéressant. Intéressant ton retour. Bah, c'est bien que tu sois là pour nous remettre aussi dans des regards objectifs, parce qu'on pourrait être vite très vindicatif. En tout cas, il y en a qui ont pris des décisions radicales, Guillaume. Il y a des médias qui tout simplement ferment la porte de leur côté. Bon, les médias, ils sont méchants, écoute. Et puis en plus, c'est que des vecteurs de propagande, des communistes comme NPR, par exemple. Parce que la semaine dernière, NPR a été brièvement considéré par Twitter comme un média affilié à l'État. Sous-entendu comme RT ou Sputnik, hein, il y avait la même mention en fait, comme un vecteur de propagande politique, quoi. NPR, ça veut dire National Public Radio, c'est un réseau de radio non commercial, c'est une ONG qui fédère des stations de radio. Avant, dans la charte même de Twitter, d'ailleurs, il comparait NPR à la BBC. Peut-être qu'on peut aussi comparer ça à Radio France ici, bien que je ne connaisse pas vraiment les subtilités des divers organismes de radio. En tout cas, NPR rend public ses comptes et elle se finance sur les programmes qu'elle vend aux radios aux membres par donation la plupart du temps. Donc apparemment, en 2005, il n'y avait que 2% de son fric qui venait de l'État fédéral, donc c'est pas énorme hein, pour un média d'État surtout. Mais même le mettre dans le même sac que RT, qui est mentionné, Russian State Affiliated, et donc NPR, qui est donc désormais US State Affiliated, enfin qui l'a été, c'est pas très sympa et c'est pas très pertinent. Alors l'affaire était savoureuse parce qu'en parallèle, The Telegraph a remarqué que les comptes du gouvernement russe n'étaient plus restreints. Donc non seulement les comptes affiliés au Kremlin, qui peuvent être trouvés par le moteur de recherche, mais en plus ils peuvent être recommandés à nouveau. Donc dans l'onglet pour toi, tu peux avoir des tweets de Poutine maintenant. Alors que depuis un an, les comptes étaient invisibilisés. Alors pourquoi ce revirement de politique aussi drastique ? Qu'est-ce qui a changé sur la propagande et la guerre en Ukraine ? La vérité, c'est tout. Qu'est-ce qui a changé, en tout cas, sur le terrain ? Bon, mystère. Enfin bon, il y a une piste, hein, ça permettra peut-être tout simplement à Twitter de revenir en Russie. Alors, quelles sont les intentions de Twitter ? Bah, pour l'instant, tout ce que les journalistes ont reçu comme retour pour leur mail quand ils demandent, c'est de la crotte, littéralement. Et je plaisante pas, puisque en fait, ils reçoivent un émoji caca. Twitter n'a pas de service presse, et chaque fois qu'un journaliste pose une question, il répond explicitement au journaliste « Allez chier !» par ce petit émoji caca. Alors, peut-être qu'ils en ont eu marre des émojis caca chez NPR, donc voilà, même si la mention a depuis disparu, NPR, il s'est cassé de Twitter, tout simplement. C'est la première organisation de presse à le faire, même si beaucoup traînent des pieds pour jouer le jeu du badge bleu, hein, y a New York Times qui refuse de payer, etc. Mais bon, c'est de plus en plus clair, de toute façon, voilà, Musk aime pas le journaliste. Et pourtant, bah, ils sont toujours tous sur Twitter. D'ailleurs, il y a Casey Newton, qui est donc de The Verge, qui décrit plutôt bien son syndrome de Stockholm. Parmi les 900 comptes qu'il suit, bah, l'usage reste globalement constant. Donc voilà, lui et ses collègues, bah, finalement, malgré tout, ils sont toujours sur Twitter. Et malgré les badges, malgré les pannes, malgré les emojis caca, Twitter est quand même très dur à tuer, c'est normal aussi. 10 ans de travail à se faire une visibilité sur le réseau, bah, tu vas pas partir en claquant la porte du jour au lendemain, c'est difficile. Surtout que tout le monde a le même raisonnement, et que donc personne ne part. Et puis c'est même pire que ça, Musk fait un peu n'importe n'importe quoi, mais il faut reconnaître que ça fait de l'animation. On s'ennuie jamais. Il y a du drama. Donc on hurle, on pleure, on s'indigne, on s'écharpe, on se tape, mais on le fait sur Twitter. Et donc Twitter, oui, c'est un animal difficile à tuer. Et alors bon, voilà, peut-être que seule une impasse financière pourra y arriver. C'est encore une possibilité, mais apparemment, bah écoute, si Elon Musk a raison, il sera bientôt rentable à nouveau. Alors. Twitter ne soit pas encore fermé à quelques mois après avoir été racheté compte tenu de la situation. Oui, on peut concéder, Guillaume, que bah, c'est effectivement pas définitif. Mais enfin bon, si ça continue comme ça, j'ai du mal à me projeter à long terme pour ce réseau social. Plus récemment, il y a CBC Radio-Canada qui aussi suspendent leurs activités. Ils l'ont annoncé pour exactement les mêmes raisons. Donc bon, ça continue. On voit, c'est probablement une longue liste qu'on va pouvoir compléter au fil des épisodes. Mais il peut compter, Elon Musk, et on va conclure là-dessus, sur un soutien indéfectible, c'est celui d'une partie des Républicains. Mais c'est trop mignon. Les amis de Musk essayent de le défendre. C'est beau l'amitié, hein. C'est ça, c'est ce qu'il y a de plus fort, l'amitié, de toute façon. C'est avec la force de l'amitié que tu peux relever tous les défis et vaincre le grand méchant après t'être fait défoncer la tronche pendant 4 heures. Je m'égare, pardon. Mais effectivement, la FTC, elle embête Elon Musk. Voilà, elle embête Elon en demandant des comptes sur Twitter. Alors, Jim Jordan, il intervient pour lui dire d'arrêter son harcèlement. Parce que Jim Jordan, qui ne manque pas d'air, estime que la FTC en fait trop et voilà, il l'assigne à fournir des documents justificatifs. Ben oui, la FTC demande à Twitter de pas faire n'importe quoi et juste de respecter les contrats qu'il a lui-même signés quelques années auparavant concernant la vie privée, la sécurité des données, tout ça. Mais apparemment, c'est trop, c'est du harcèlement. Donc, elle est lourdingue, la FTC. Et puis bon, Lina Khan, elle est plutôt têtue, hein, donc le sénateur va faire une sorte de battle de formulaire. Alors, c'est vrai que ça peut durer longtemps, une battle de formulaire. C'est les battles administratives, moi, ça me terrorise, mais bon, je pense que Lina Khan, elle a l'habitude, parce que ça peut être vraiment très long. Donc le fait que Jim et Elon soient du même bord politique, voilà, et probablement la même vision de la liberté d'expression, sans doute pas un complet hasard. Voilà, bon, Lina Khan, elle en a vu d'autres, tu vois, mais c'est beau, quand même, l'amitié et tout ça. Moi, je parlerais d'amour à ce stade, plus que de l'amitié. Mais bon, c'est les copains, en tout cas. Steph, pareil, un mot de la fin. Je ne sais pas si tu as quelque chose à compléter sur cette rubrique. Je vais peut-être m'abstenir parce qu'on va croire que c'est de l'acharnement contre Oui, quand on est deux à critiquer, si en plus on rajoute une troisième voix, ça va faire beaucoup. Après, on va avoir des avis sur les plateformes de podcast qui nous critiqueront sur cette partialité. À croire qu'ils auront raison. On va plutôt conclure cet épisode par une rubrique jeux vidéo. On va d'abord parler un petit peu de projet, Guillaume, de Sony pour, pourquoi pas, le streaming en mobilité. Et oui, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Sony? C'est ça, la vraie question. Mais oui, on a parlé la semaine dernière de la Sony Q, qui serait donc une console portable. Qui ne serait pas une Vita. Qui ne serait pas justement vraiment un successeur de la Vita, puisque ce serait une console qui serait uniquement dédiée au streaming. Et on s'était un petit peu demandé à quel point c'était pertinent de ne faire que streamer des jeux PlayStation 5. Et en réalité, peut-être qu'il y aurait plus que ça. Si on épluche un petit peu les offres d'emploi qu'il y a eu récemment chez Sony, on peut voir qu'il y a un push qui est fait, enfin en tout cas, on peut suspecter qu'il y a un push qui soit fait sur le cloud gaming, en fait, sur une espèce d'X-Cloud à la PlayStation qui pourrait revenir et qui pourrait expliquer que la Q voilà, soit une console qui soit un petit peu plus pertinente, parce que tu pourrais non seulement streamer des jeux PlayStation 5, mais peut-être éventuellement plein d'autres qui seraient donc offerts en streaming. Bon, c'est une rumeur, on ne va pas s'avancer plus, mais ce serait, disons, ça donnerait un petit peu plus de crédibilité à cette histoire, enfin ces rumeurs sur la Sony Q, qui, moi je sais pas, mais effectivement je trouvais que uniquement une console pour streamer, à moins qu'elle soit vraiment vraiment très très peu chère, je vois pas vraiment qui pourrait acheter un truc comme ça. Surtout quand il y a des concurrents comme ce qui semble être encensé hein, par beaucoup, comme le Steam Deck. Steph, tu voulais nous faire un petit retour d'expérience? Oui, bon alors déjà je commence en jurant que personne ne m'a payé pour ce retour d'expérience. Voilà, mais Valve, si tu nous écoutes, n'hésite pas à sponsoriser plutôt Tech Café. voilà. Alors, ce sera bien. J'ai eu la chance, J'ai eu la chance de sauter le pas suite aux récentes promos et je voulais le dire en fait tout le bien que j'en pense. Alors, c'est quoi les récentes promos? Je suis même pas au courant. Qui m'a oublié de me parler de ça? Enfin. Excuse-moi. La prochaine fois, je le ferai. Là, c'était les promos de printemps, je crois. Où en gros, ça faisait un an que la console avait été mise en vente. Et du coup, c'était la première fois qu'ils faisaient une promo qui était, je crois, 10% quand même. Donc, le modèle à 400 balles, il est descendu à 370, quelque chose comme ça, de mémoire. Intéressant. Pourquoi j'en pense du bien? Tout simplement parce que c'est une machine qui propose un rapport qualité-prix qui est absolument ahurissant. Je vais vous donner une liste non exhaustive de ce que j'ai réussi à faire avec elle. Encore une fois, j'ai passé plus de temps à la bidouiller qu'à jouer, mais c'est drôle, vous allez voir tout ce qu'on peut en faire. Donc, tout d'abord, ça permet de jouer à des jeux récents, donc des triple A, hein, dont God of War par exemple, dont Horizon Zero Dawn. Ça permet de jouer à des plus anciens, donc je pense à tous nos backlogs qu'on a depuis des années et qu'on se dira je jouerai plus tard. Bah là, on a l'occasion de le faire, surtout dans des conditions qui sont de jouables à excellentes pour la grande majorité des titres que j'ai testés. Ça permet de bénéficier de soldes Steam qui sont totalement folles. Hein. Moi, j'étais pas très habitué à utiliser Steam. Mais là, c'est absolument hallucinant. Hein. On achète 5 jeux pour 10 euros, vraiment, et des jeux plutôt de très très bien notés. Ça permet d'installer des stores alternatifs, en particulier Epic, GOG, de façon très simple. C'est des flag packs, parce que bon, j'expliquerai après, mais ça reste une base Linux. Et donc, ça permet de jouer à ces jeux, y compris tous les jeux qui sont offerts par Epic toutes les semaines. Donc autant vous dire que là vous avez en fait un boulevard pour ne jamais plus vous ennuyer si toutefois vous avez du temps. Ça permet d'émuler toutes les plateformes, toutes les consoles jusqu'à la Switch, quasi nativement sur certains titres. Ça permet de faire la PS3 aussi. Ça permet toutes les consoles old-gen. Alors quand je dis toutes les consoles, évidemment, je parle pas des PS4 et consorts, mais au moins jusqu'à la PS3, ça permet de l'émuler dans de plutôt très bonnes conditions. Pas pour toutes les consoles, mais pour une bonne partie. Ça permet d'utiliser aussi YouTube, tous les autres services de streaming, dont Plex, que j'ai à disposition, donc ça me permet en gros de regarder des films du NAS dans mon lit, c'est quand même très très sympa. Ça permet d'utiliser le Game Pass et GeForce Now directement donc sur le Steam Deck, GeForce Now étant gratuit pour l'accès libre. Et, donc vous bénéficiez comme ça de graphismes améliorés, d'une meilleure batterie, puisqu'évidemment on vient pas taper dans les réserves de la batterie du Steam Deck, mais surtout ça ne bouffe pas d'espace de stockage. Il y a une facilité de réparation qui est absolument hallucinante. Hein. On peut même changer le drive IMMC qui est installé dessus. Hein. C'est pas soudé à la carte mère, donc on peut tout à fait le changer de façon. Il y a 8 vis, hein, si je dis pas de bêtises, à faire et enlever la coque pour le changer. Ça permet de bénéficier d'un ordinateur de bureau en déplacement qui tourne sous Arch Linux avec un CPU qui est un Zen 2 et 16 Go de RAM, qui peut être branché à n'importe quel écran, clavier, souris, pour 379 €. Enfin, je sais pas si vous avez vu l'équivalent des ordinateurs portables que vous avez pour ce prix-là, mais c'est certainement pas cette qualité-là en termes de puissance brute qui est offerte. Ça permet de streamer également du contenu du Steam Deck sur la télé sans fil. Donc ça, c'est quand même sympa. Quand on a le fil, on peut le brancher évidemment en HDMI, mais quand sans fil, c'est assez cool aussi. Ça permet, moi c'est ça que j'ai utilisé, ça c'est très très pratique, ça permet de jouer aux consoles PS5 et Xbox directement sur le Steam Deck. Donc la PS5 est branchée sur la télé familiale, donc la famille regarde la télé normalement, et en fait, je stream directement le flux qui va être sorti de la PS5, sur le Steam Deck, donc je peux littéralement jouer à la PS5 sur le Steam Deck avec ma famille qui regarde la télé alors que on est dans la même pièce mais on fait deux trucs différents en même temps quoi. Donc ça c'est quand même très cool. Ça permet d'utiliser aussi le PC local pour streamer des jeux plus exigeants directement sur le Steam Deck très simplement. Si les capacités du Steam Deck sont un peu dépassées, on peut tout à fait utiliser la carte graphique un peu plus haut de gamme sur le PC local et c'est juste une option à débloquer sur le Steam Deck. Et surtout, pour moi en tout cas, le gros avantage que ça a, c'est que il y a un bouton de suspension d'activité. Donc dès que, en gros, on est en train de jouer à un truc, pas besoin d'aller chercher une sauvegarde ni quoi que ce soit, on appuie sur le bouton de suspension d'activité, on fait ce qu'on a à faire, on revient deux jours après, boum, on est exactement au même endroit. Donc moi, pour moi, qui est vraiment vraiment pas le temps, ça me permet de jouer en gros quoi un quart d'heure tous les soirs, ce que je ne faisais absolument pas, mais ça m'a permis de finir des jeux comme ça. Donc vraiment, pour moi, c'est devenu un hub qui agrège en fait tous mes besoins vidéoludiques et multimédia dans un appareil qui est portable, simple d'utilisation et surtout, en termes de prix, c'est imbattable. Et je rajoute que vous pouvez exécuter un modèle de langage dessus. Avec Llama CPP, vous pouvez avoir ChatGPT en local sur votre Steam Deck, ça marche très bien. Tu l'as fait ? Tu l'as essayé ? Alors, il y a des gens sur Reddit qui l'ont essayé. Moi, j'ai pas de Steam Deck, mais de toute façon, avec un Zen 2, tu peux exécuter un modèle à 7 milliards, ça passe bien. Voilà, donc je te remercie, grâce à toi, une fois qu'on aura fini l'émission, je vais me lancer dedans et ça sera encore la nuit blanche, cette histoire. Mais... c'est sponsorisé par c'est... Guillaume. Oui, c'est ça. Vraiment, très beau rapport qualité-prix. Hein. Vraiment, si vous avez l'opportunité de mettre la main dessus, ça vaut le coup. Je comprends pas, Guillaume, que tu sois suffisamment écologique pour revendiquer le fait que tu te sois équipé d'une Nintendo Switch Lite et que tu n'aies pas passé le pas du Steam Deck. Ouais, c'est parce que justement, j'ai une Switch Lite et que je vois que j'ai déjà un bac catalogue sur ma Switch Lite et que... En fait, à un moment donné, c'est presque frustrant parce que j'ai des jeux en retard sur le PC, sur la PlayStation 4, sur la Switch, sur... Bon. J'ai des gens en retard un petit peu partout, quoi. Mais sinon, oui, la Steam Deck, c'est vrai, c'est un rapport qualité-prix et un aspect pratique qui est vraiment, vraiment intéressant. Ça, c'est clair et net. Comme t'as rien dit de négatif dessus, je vais m'y coller. Il paraît qu'elle fait beaucoup de bruit, qu'elle chauffe beaucoup et qu'on entend énormément le ventilateur. Ah, très intéressant. Bon, alors, évidemment, parce que je me doutais bien qu'elle allait avoir des rabat-joie pour... alors évidemment elle a des défauts, elle a au moins j'aurais envie de dire 3 défauts. Le premier, c'est que la batterie, c'est pas dingue. Quand on se met à jouer à des jeux relativement exigeants, elle va avoir tendance à... Ouais, ça elle peut avoir une autonomie qui dépasse pas 2 heures. Par contre, quand on utilise des jeux peu exigeants ou tout simplement du streaming, ça tient facile 5-6 heures. Donc ça, je trouve que c'est plutôt très raisonnable. Le deuxième point, effectivement, elle fait du bruit. Alors, les nouveaux modèles, moi, je pense que j'étais béni du nouveau modèle. Apparemment, il y a deux ventilos différents. Il y avait un premier ventilo qui avait un bruit de coil qui était très, très désagréable. Et celui que j'ai, moi, il fait pas de bruit particulier, pas un bruit très désagréable. En tout cas, par contre, il souffle souvent. Il se met à souffler très très très régulièrement. Après, c'est pas un bruit qui est très gênant, mais il souffle. Donc, casque un peu obligatoire, sauf si vous êtes vraiment allergique au bruit, ça peut poser problème. Et le dernier problème, ça reste un PC, quoi. Donc, il y a des moments où il y a des bugs. Il y a des moments où moi, elle s'est figée. J'ai dû la rebooter littéralement en gardant le doigt appuyé dessus pour la relancer. C'est arrivé 3-4 fois. Mais voilà, sur une PlayStation, ça n'arrive pas, quoi. Ça arrive beaucoup moins souvent. Je veux dire, sur le temps que je l'ai eu par rapport à ce que j'ai utilisé la PlayStation, en proportion, j'estime qu'il y a eu plus de galères que l'inverse, quoi. Mais ça reste quand même très très limité, hein. c'est pas suffisamment gênant pour être bloquant, mais bon, j'estime qu'en 3 semaines, 1 mois, avoir déjà 3 fois où je suis obligé de la rebooter, c'est pas terrible, quoi. Ouais, à garder en tête, ça reste un vrai PC, c'est une manière en fait qu'elle a de nous rappeler sa vraie nature, de faire quelques plantages de temps en temps. Les amateurs de joueurs console seront derrière moi à ce sujet-là, j'imagine. Bon, on va conclure cette rubrique jeux vidéo, mais aussi cet épisode, Guillaume, en mettant en lumière la proposition du bon sens, le meilleur rapport qualité-prix de qui veut absolument un PC pour jouer. Oui, alors je sais pas exactement, mais disons qu'on va parler quand même de la nouvelle 4070, on va dire deux mots. Donc 600$, c'est la nouvelle 4070 de Nvidia, c'est un prix qui commence à être abordable pour une carte qui est globalement au niveau d'une RTX 3080, mais qui consomme beaucoup moins et qui donne accès au DLSS 3. Donc elle vaut 200$ de moins que la 4070 Ti, mais elle est quand même aussi 25% moins rapide. Elle a 12 Go de RAM, et d'ailleurs AMD se fout de la gueule de Nvidia pour ça, hein, et elle se destine aux jeux en 1440p plutôt, hein, et donc elle rentre par contre dans un PC normal, donc c'est plutôt une carte intéressante, elle est un petit peu moins grosse, même s'il faudra quand même compter avec son adaptateur exotique pour l'alimentation. Pour l'instant, ceux qui ont encore des GTX donc, ou des RTX 2000 pourraient être tentés. Si vous êtes pieds et poings liés à CUDA en plus, évidemment, ça peut éventuellement valoir le coup d'attendre quand même. Si vous êtes pieds et poings liés à CUDA, vous Bah oui, la 4000, sinon c'est tentant, mais sinon, ça peut valoir le coup d'attendre la réponse milieu de gamme d'AMD. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, 12 Go de RAM en 2023, c'est quand même un minimum, et ça risque de pas s'arranger. D'ailleurs, ce sont que des rumeurs, mais bon, bah, il se murmure que les 4060 Ti n'auraient que 8 Go de RAM sur un bus 128 bits. En plus, c'est vraiment peu, c'est très peu. La 2000, c'est trop peu, hein. La 2060 Super en a autant, elle a 8 Go de RAM. La 3060 avait déjà 12 Go de RAM. Donc, c'est-à-dire qu'en l'état, la 4060 Ti, c'est vraiment une carte d'entrée de gamme, sauf qu'elle coûtera 450 balles, a priori. Alors, ça reste à confirmer, mais bon, si c'est vrai, AMD n'a pas fini de se moquer de Nvidia. Oui, parce que dans certains cas, la taille, ça compte, et qu'est-ce que tu veux. Et donc, des jeux comme Hogwarts Legacy bouffent la mémoire vidéo comme si c'était des petits pains au chocolat au petit-déj, oui. Et du coup, bah, voilà, c'est un petit peu court pour l'instant, on va dire. Merci Guillaume pour cette revue. Bon, j'imagine, je te pose pas la question, Steph, si tu veux t'équiper de la RTX 4070, vu que tu t'équipais d'une Steam Deck, mais... C'est ça. Non, là, pour l'instant, on va calmer un peu les dépenses, là. La question, elle est vite répondue. Merci beaucoup à tous les deux pour cet épisode de Tech Café. C'était vraiment un plaisir de pouvoir évoluer parmi les News Tech en votre compagnie. Il est temps quand même qu'on rappelle l'incontournable aux gens qui nous écoutent, à savoir où est-ce qu'on peut nous retrouver. Steph, où est-ce qu'on peut échanger avec toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, si vous me l'autorisez, avant de répondre à la question, j'aimerais faire une brève dédicace. Tu as tous les droits. Vas-y. Ah, super. Alors, j'aurais tendance à dire qu'en France, on a souvent l'habitude de dire tout d'abord ce qui ne va pas, mais beaucoup plus rarement ce qui mérite des félicitations. Tu veux parler en bien d'Elon Musk, je t'écoute. Ah, et exactement. Et c'est exactement ce que je souhaitais faire, en fait. Pour l'avoir préparé sur quelques sujets, j'ai pu constater l'immense travail que constitue une émission en termes de préparation, curation, écriture, présentation, montage. Donc, j'avoue que moi, pour ma part, je suis impressionné que des gens puissent accepter de faire ça chaque semaine, gratuitement en plus. Donc pour tout cela, moi, personnellement, je tenais à sincèrement vous remercier et à vous tirer mon chapeau. Et c'est en grande partie pour ça que j'ai choisi de vous soutenir. Et d'ailleurs, petit tip pour tous ceux qui auraient envie de franchir le pas, j'ai tout simplement changé mon abonnement Netflix pour celui avec de la publicité. Et la différence avec la formule initiale vous finance. Voilà, même si je déteste mais cordialement la publicité, j'estime que vous valez très très largement ce léger inconvénient. Bah écoute, merci beaucoup. Que quelqu'un accepte de subir la publicité Netflix pour nous, vraiment, je suis. Limite, bon, je me sens coupable en fait. Ouais, mais vraiment. Non, mais un grand merci. Alors, tu n'es pas sponsorisé en plus. Non plus, je ne suis pas sponsorisé non plus par vous, dis donc. Ni par Steam, ni par Elon Musk, ni par Tech Café. Décidément, tu ne tires pas parti de tes amours, Steph. Bon, mais du coup, quand même, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Alors, c'est un peu comme Guillaume, hein. Je pense qu'on me retrouvera sur le Steam Deck en train de jouer, au dernier Breath of the Wild, le jour où il sortira. Voilà. Évidemment, Tears of the Kingdom, Zelda, dans quelques semaines maintenant. Merci beaucoup pour ta compagnie. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Mais moi, on me retrouve comme Steph, hein, mais sur ma Switch, en train d'essayer d'écluser mon bac catalogue. Comme ça, j'aurais moins de culpabilité si jamais je trouve le Steam Deck sur le bon coin. Ah, c'est beau, très bien. Voilà. Merci Guillaume pour toute la préparation aussi de cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur le serveur Discord et sur les réseaux sociaux. Et on sera ravis de vous retrouver dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Mais je sais qu'une partie d'entre vous là arrive au bout de cet épisode et se dit... Ah, je suis allé au bout de l'épisode, mais il me manque quelque chose. J'ai pas envie d'attendre quelques jours avant d'avoir le supplément. Avez-vous écouté le précédent épisode qui a été diffusé, comme je vous le disais en intro, sur l'intelligence artificielle? Vous allez voir, c'est magique. Vous allez découvrir plein de choses et vous allez être très calé parce que quelque chose me dit qu'on va continuer à en parler en long, en large et en travers. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Ciao.